Des portes défenestrées et des fenêtres déportées. Dans la rue pas belle, il y a Marcel, mimant une chanson. Ô simple passant, ouvre bien tes oreilles. Le cœur à l'ouvrage, il dessine une cage sans crayons et sans papier. À même le ciel, il mime un arc et tire dans ton cœur. Et v'là là-bas, écoute, il mime un sourire. Et v'là là-bas, regarde, on entend son rire. Montant sur son échelle, il attrape une pomme. Entre les yeux de Dieu et les seins de Marie, au pied de la lune, il décroche une cloche. Elle tombe dans sa poche et la pomme dans sa bouche. Aux allures de Manouche, voyageant pousse-pousse. Dieu ne le pardonne pas, il fait de lui un renégat. Parmi nous les brebis, v'là là-bas, vas-y, il part dans une folie. Et v'là là-bas, entends, il chante en silence. Que mon épouse, si je mens, je l'ai vu dans un rêve. Un type les a perdus au coin de la rue Pabel. Il tire les ficelles et donne la vie. Un bout de bois néanmoins invisible. Elle est là, sa magie mimait le tout dans le rien. Ou le rien dans le tout. Non, je ne suis pas fou, je l'ai simplement cru. V'là là-bas, écoute, il mime un sourire. Et v'là là-bas, regarde, on entend son rire. Et v'là là-bas, vas-y, il part dans une folie. Et v'là là-bas, entends, il chante en silence.